Bonsoir à vous tous et qui nous suivez et bienvenue à cette édition de la soirée en langue française à la présentation Jean-Marie Mayonga, cabine technique Eli Kadogo, les titres. Une vingtaine de projets de loi ont été analysés et adoptés par les deux chambres du Parlement. Président du président de l'Assemblée nationale, honorable Gérald Ndanaye Ndabirabe, ce mercredi. C'était lors de la clôture de la session parlementaire ordinaire d'avril 2021. À la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi, l'association Action for Justice and Equity estime qu'elle ne pourra parler d'indépendance effective de la magistrature tant qu'il y aura de l'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et dans la chronique sur les messages de haine, un expert en transformation et résolution pacifique des conflits nous montrera les stratégies adoptées par un manipulateur d'opinion pour arriver à ses fins. Voilà pour les titres. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Clôture ce mercredi de la session parlementaire ordinaire d'avril 2021. Une vingtaine de projets de loi ont été analysés et adoptés par les deux chambres du Parlement. Parmi ces projets de loi figure celui relatif au budget de l'État exercice 2021-2022. Le président de l'Assemblée nationale souhaite à ses élus du peuple de bonnes vacances et lui a appelé qu'ils ne font que de changer d'activité dans la continuité de leur mission parlementaire. Et la production des principales cultures, dont le maïs, la pomme de terre et le riz et les oignons, a sensiblement augmenté ces trois dernières années, occasionnant une baisse des prix de ces produits. Dans un point de presse animé ce mercredi, le ministre en charge de l'agriculture a indiqué que le prix d'achat fixé par l'État pour le maïs reste inchangé et a proposé d'autres prix aux producteurs pour ces autres produits. Et pour le. Ainsi que. Toujours le ministre de l'Agriculture, il a précisé qu'il va travailler d'arrache-pied pour assurer un encadrement rapproché des producteurs. Deogui Derulema a mis en garde tout commerçant qui va spéculer. Suivez-les, Deogui Derulema. Le prix d'achat fixé par l'État pour le maïs, le riz padis, le haricot et les oignons est le suivant. Pour le maïs, et maïs grain sec, prix d'achat producteur est toujours de 680 francs pour le kilo. Pour la pomme de terre, prix d'achat au producteur est de 700 francs pour le kilo. L'ipadi grain court, prix d'achat au producteur proposé 830 francs pour le ipadi olive blanc, grain court 950 francs. L'ipadi grain long, prix d'achat au producteur 860 francs pour l'ipadi olive blanc, grain long. Prix au producteur est de 1000 francs. Pour le haricot, haricot volubile catégorie 1 homogène, prix au producteur 1100 francs pour. Haricot nez homogène catégorie 2, prix au producteur 950 francs pour. Haricot mélangé, prix au producteur 900 francs pour. Pour les oignons rouges, prix au producteur 1200 francs pour. Les oignons blancs, prix au producteur 750 francs. Nous lançons un appel vibrant au personnel du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage depuis la colline de travailler d'arrache-pied pour assurer un encadrement rapproché des producteurs. Désormais, tout commerçant qui va spéculer passer outre cette mesure en achetant le surplus de la production à un prix inférieur au prix fixé pour ces différentes cultures ou en achetant la production sur pied par la mauvaise pratique dite umugwazo sera sévèrement puni et ne sera pas remboursé. Deogui Derulema, il est ministre de l'Agriculture, Élevage et Environnement. Un lot d'équipements indispensables dans la réalisation des activités liées au secteur foncier ayant une valeur de plus de 132 millions a été octroyé aux 24 communes et réparti dans trois provinces par l'organisation OIM. Dans un atelier de validation du rapport final sur l'accès à la terre et sécurisation foncière au Burundi, le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, Martin Ninheretse, a indiqué que ce matériel contribuera dans la résolution des conflits fonciers. On l'écoute. Prendrez donc que nous attendons avec beaucoup d'intérêt des propositions pertinentes dégageant des solutions réalistes, pratiques, rapides et opérationnelles et qui sont adaptées aux difficultés inhérentes à la gestion du foncier au Burundi. À ce stade, je voudrais remercier nos partenaires pour la qualité de coopération tant technique que financière via son projet transversal de renforcement de la capacité de réintégration de retourner Burundais à travers l'accès au logement, à la terre et à la propriété. Aujourd'hui encore, l'OIM, l'Organisation mondiale pour les migrations, démontre son appui indéniable en octroyant au secteur foncier un lot d'équipements composés de 13 ordinateurs, 13 imprimantes et d'autres matériels indispensables à réalisation des activités liées au foncier, notamment les fiches de certificats fonciers. Pour une valeur de plus de 132 millions, ce don, je le répète, s'ajoute à un autre don de 24 motos octroyées aux 24 communes réparties dans trois provinces dont j'ai cité là-dessus. Je profite de cette occasion pour plaider en faveur des autres communes du Burundi qui ne disposent pas de moyens suffisants, surtout en matière foncière, car la Constitution de la République du Burundi nous oblige de veiller au développement harmonieux des communes ainsi que d'autres textes légaux et réglementaires. Radio Sanganiro Journal continue. L'association Action for Justice and Equity in Burundi, Adjebu Genderubono, trouve que l'indépendance de la magistrature n'est pas effective au Burundi. Lors d'une conférence de presse animée ce mercredi sur l'indépendance de la magistrature à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance, Maître Salvatore Minani donne l'exemple de l'ingérence et parfois du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Toutefois, selon lui, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'exclut pas la collaboration avec d'autres pouvoirs. Elinibert Nibigir. L'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs sont garanties par la Constitution du Burundi au niveau des articles 210 et 214, laisse remarquer la Djebu Genderingingo. Après 59 ans d'indépendance, l'association Action for Justice and Equity in Burundi trouve qu'il y a encore des lacunes en ce qui est de l'indépendance de la magistrature. Maître Salvatore Minani, vice-président de cette association, donne l'exemple de la nomination des organes judiciaires. Lorsqu'il y a un jugement qui a été rendu, son exécution peut tarder ou même ne pas avoir lieu dans un délai prescrit par la loi. Cela relève de plusieurs causes, mais l'une de celles-là, c'est cette immixtion de ces deux autres pouvoirs au niveau du pouvoir judiciaire. Sous un autre angle aussi, les magistrats sont mis en place par les autorités des deux autres pouvoirs. Autre chose décriée par cette organisation, ce sont les plaintes des justiciables sur le manuel de procédure pénale. Maître Salvatore Minani dénonce la persistance dans les prisons des détenus qui remplissent toutes les conditions pour être libérés, mais qui croupissent toujours en prison. Parfois, ils observent une ingérence d'autres pouvoirs, constate cet avocat. Par rapport à l'immixtion des deux autres pouvoirs au niveau du judiciaire, vous pouvez comprendre exactement les lamentations du peuple, mais aussi de certains magistrats eux-mêmes qui vous diront que telle autorité de tel pouvoir a exigé que ce dossier n'avance pas, sauf si certaines conditions sont réunies, ou que telle autorité dit que tel ne doit pas être libéré de la prison parce que ils ne sont pas soit du même parti politique, ils n'ont pas les mêmes convictions politiques ou d'autres raisons encore. Sans toutefois parler des gens qui sont libérés mais qui ne rentrent pas parce qu'évidemment il y a des autorités qui ne veulent pas qu'il y ait exécution de ces décisions judiciaires. Cette organisation, Action for Justice and Equity in Burundi, demande que les textes régissant la nomination des organes judiciaires soient révisés afin de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Page gouvernance, c'est l'observatoire de lutte contre les marginalisations économiques qui dit avoir bien accueilli la mesure du chef de l'État portant suspension provisoire du directeur général de l'Otraco dans ses fonctions ainsi que la suspension du contrat avec la société délivrant les documents de contrôle technique automobile. Gabriel Ruffieri, président de l'Olicom, dit que toutes les mesures du président Daichimie dans l'optique de lutter contre la mauvaise gestion des deniers publics sont salutaires. Suivez Gabriel Ruffieri. La mesure de suspension provisoire du directeur général de l'Otraco, par ailleurs une mesure provisoire qui a été publique et qui a été précédée par des questions qui ont été répondues par le directeur général lui-même. Et tout le monde a vu que finalement, ce que l'ORICOM et bien d'autres personnes qui suivent ces questions disent tous les jours sont comme ça. Donc, pour nous, nous remercions le président de la République de cette décision parce que c'est un message aux autres gestionnaires de la chose publique, mais aussi c'est un message aux privés qui veulent gagner. Donc le secteur privé, dans la plupart d'entre eux, veulent gagner des marchés sans suivre les procédures en collaboration avec certains mandataires publics. Donc nous, nous pensons que cette décision, c'est une décision très importante parce que c'est une décision juste où on ne peut pas avoir du favoritisme, du clientélisme. Nous savons que les corrompus ont plusieurs stratégies pour faire valoir leurs théories, mais nous pensons qu'il va garder le cap pour que la chose publique soit protégée. Le président de l'ORICOM trouve cependant que ce n'est pas au chef de l'État d'intervenir en premier lieu, alors qu'il y a d'autres mandataires publics habilités. Un manipulateur interprète d'abord les contextes sociopolitiques et entreprend sa ruse pour arriver à ses intérêts. Il sait toujours que ce qu'il fait peut causer des conséquences désastreuses dans la société, mais ne s'en soucie pas. Saint-Lô Chartier, Nyungé Ko, expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Il faut des sensibilisations pour les aider à arrêter son comportement. Suivez-les, il sera l'invité de notre journal. Les manipulateurs se retrouvent dans le groupe des acteurs. On est manipulateur comment et pourquoi? On est manipulateur parce que on a un intérêt poursuivi. Des fois, c'est des gens qui ont des intérêts qu'ils sont en train de poursuivre. Et pour y arriver, ils essaient de passer par la manipulation de gens, de par leurs idéaux, ou de par les politiques, ou de par les projets, parce que tout est possible. Est-ce que ce manipulateur sait ou bien est-il conscient que ce qu'il fait peut engendrer des conséquences, je dirais, catastrophiques? Bien sûr que oui. Parmi les manipulateurs, parce que c'est des gens qui sont instruits, qui ont une certaine capacité intellectuelle, qui voient et peuvent défendre ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, ils voient qu'il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre, mais des fois, ils pensent que ces conséquences ne vont pas les toucher. Continuons cette édition. Certains propriétaires des parcelles en zone Bouguiza et Bouyenzi apprécient négativement la mesure interdisant des constructions en briques adobe prises par l'administration de la commune Mukaza. Ils disent être conscients de la dureté d'une maison construite en briques cuites, mais doutent des prix qu'il faut pour achever les travaux. Ils demandent d'être appuyés. Le point avec Omer Ndouaï. Ukagira byoroshye kubera uronka ahantu okwihengeka tubeje kuyafya tur kuko yarazimbutse ariko buryo twa La une somme passée en zone Bouiza et Bouyenzi de la commune Mukaza, la commune qui a pris cette mesure, nous avons constaté qu'il y a encore ceux qui étaient en train de fabriquer ces briques adobe et d'autres attendent de construire. Ceux avec qui nous sommes entretenus demandent de façon unanime la révision de cette mesure en tenant compte de l'intérêt général. Nous vivons dans la pauvreté. Les briques qu'on avait déjà fabriquées sont des briques avec lesquelles on voudrait s'arranger. Si on nous dit de construire avec les briques cuites alors que nous n'avons pas de moyens, comment pensez-vous qu'on va procéder? Les briques cuites permettent de construire une maison solide qui durera des années. Tu ne peux pas avoir peur qu'un jour elle va s'écrouler. Le problème, c'est le manque de moyens. Sinon, personne ne pourrait construire sa maison en briques adobe. Il s'inquiète de la mise en application de cette mesure qui pourrait conduire plusieurs familles à manquer d'abri vu l'insuffisance des revenus des familles. Mettre en application cette décision alors que les gens n'ont pas de moyens, c'est difficile. En plus, lorsqu'on dispose d'une parcelle, on ne peut pas aller vivre dans la rue. On préfère prendre les briques adobe et on se construit une simple maison pour qu'on ait un toit. Si on nous prête de l'argent, nous allons construire conformément aux normes. Cette mesure interdisant désormais l'usage des briques adobe dans la construction des maisons en commune Mukaza a été prise le 28 juin de cette année par le conseil communal de Mukaza en mairie de Bujumbura. À la source, interview. Place à l'invité, Chartier Nungeko, expert en transformation et résolution pacifique des conflits, s'entretient avec notre confrère Robin Nyonghur sur la façon d'aider un manipulateur pour qu'il arrête son comportement. Chartier Niyungeko, vous êtes expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Bonjour. Bonjour. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous parlons sur la façon d'aider les manipulateurs pour qu'ils cessent ce comportement. Mais tout d'abord, la première question, pourquoi est-ce qu'un individu peut adopter ce comportement de manipulateur? D'abord, en matière de transformation des conflits, donc il y a ce qu'on appelle l'analyse du contexte, qui est une étape importante. On analyse un contexte à base de cinq dimensions importantes. La première dimension, c'est la dimension politique. C'est l'analyse qui porte sur donc la gouvernance politique. En deuxième lieu, c'est la dimension historique. Et quand on parle de la dimension historique, c'est l'analyse de l'histoire d'un peuple donné. En troisième lieu, c'est la dimension sociale. C'est l'analyse des relations intergroupes. En quatrième lieu, c'est la dimension économique. Il y a aussi les opportunités économiques. Il y a aussi donc le niveau de vie. En cinquième lieu, c'est la dimension environnementale. Et quand on parle de la dimension environnementale, il y a des aspects positifs. Là, on parle aussi des ressources. Donc les ressources influencent la pensée des gens. Et après avoir fait une bonne analyse d'un contexte, on fait ce qu'on appelle analyse des acteurs dans un contexte. Et quand on parle d'acteurs, c'est ces gens-là qui influencent donc la prise de décision. Donc les acteurs peuvent être négatifs ou positifs. La question que vous m'avez demandé était de savoir comment une personne peut-être peut adopter un comportement de manipulateur. Donc, alors, dans chaque contexte, les gens ont des intérêts divergents. Dans la plupart des cas, les manipulateurs se retrouvent dans le groupe des acteurs. On est manipulateur comment et pourquoi? On est manipulateur parce qu'on a un intérêt poursuivi. Et pour y arriver, ils essaient de passer par la manipulation. Est-ce que ce manipulateur est-il conscient que ce qu'il fait peut engendrer des conséquences, je dirais, catastrophiques? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et parmi les manipulateurs, parce que c'est des gens qui sont instruits. Des fois, ils pensent que ces conséquences ne vont pas les toucher. Et des fois, il y en a qui disent « Ok, pourvu que j'atteigne mon objectif ». Et alors, comment alors l'aider pour cesser ce comportement? Et qui peut l'aider? Tout doit commencer par la prise de conscience. Même si quelquefois, on peut penser que les conséquences ne sont pas directes. À un certain moment, tout acte posé ou toute parole prononcée, les conséquences qui vont s'en suivre, à un certain moment, vont toucher même l'origine, c'est-à-dire l'acteur en soi. Il y a une parole de Dieu qui dit que toute personne moissonnera tout ce qu'il aura semé. Et c'est le principe de semer, de moissonner. Qui sème le mal, moissonnera le mal. Alors, qu'il cesse de manipuler les gens. Ça, c'est juste une simple demande. Ce qui pourrait les aider, c'est des personnes comme moi, ou comme les autres. Je sais que dans tout contexte, il y a des gens qui sont animés de bonne foi. Il y a de bons leaders. Il faut suivre le conseil. C'est ça tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Chartier Niyungeko, vous êtes expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi. Merci à Aubin et son invité qui est l'expert en transformation et résolution pacifique des conflits. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci aussi à Eli Kadog pour la parfaite collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation. Je vais vous retrouver à 22h dans l'édition en langue française de la soirée.